France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbéchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale, tourisme à Paris. Oui, nuit spéciale tourisme à Paris. Il ne nous a pas semblé inutile de consacrer en ce début d'année une nuit entière à cette ville qui, selon l'Office du tourisme, a vu passer en ses murs, ou plus exactement en ses murs et hors de ses murs, donc le Petite Couronne et le Grand Paris, 47 millions de visiteurs entre juillet 2013 et juin 2014. Mais on sait à quel point ces chiffres peuvent soudain diminuer en fonction des événements tragiques. Alors les hôteliers, les restaurateurs, les caissiers de musées, les monuments historiques le savent bien et immédiatement, sans attendre les statistiques de fin de saison, les chiffres peuvent baisser. Nous allons donc, nous, célébrer cette nuit le tourisme à Paris, dans le passé et au présent, et ce d'autant mieux qu'une exposition à la Galerie des bibliothèques de la ville de Paris, 22 rue Malherbe, dans le 4e arrondissement, propose jusqu'à la fin du mois de mars d'étudier 300 ans de tourisme dans la capitale. Bonsoir Sylvain Patieux. Bonsoir Philippe Garbi. Alors, bon baiser de Paris. C'est bien l'intitulé de l'exposition? Oui, c'est ça, parce que ça, une phrase de carte postale. Et Paris peut sembler une capitale de carte postale d'une certaine manière. Il y a un certain nombre de clichés touristiques sur Paris. Mais le but de l'exposition, bien sûr, c'était d'aller au-delà du cliché et de resituer ce Paris éternel aux couleurs sépia, de le resituer dans une histoire et dans une profondeur historique. Oui, parce que vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis, et donc commissaire de cette exposition. Alors c'est une exposition conçue par le comité d'histoire de la ville de Paris, et donc en votre compagnie, nous allons apprendre comment est né le tourisme à Paris, et puis même avant cela, comment est née peut-être l'idée de tourisme. Et puis nous puiserons, bien sûr, puisque c'est le principe des Nuits de France Culture, dans les archives de l'INA, pour illustrer vos propos, Sylvain Patieux. Ainsi, nous entendrons une tribune de Paris, alors qui posait en 1947 la question suivante, toute simple, la France est-elle en mesure de recevoir ses amis étrangers? Puis, nous nous immergerons dans la vie d'un grand hôtel, un palace parisien, le Claridge, exploré en 1950 par Clara Candiani et Dolly Steiner. C'est très instructif, c'est charmant, c'est un petit peu désuet, c'est ce qu'on aime. André Siegfried, le sociologue géographe, donnera une conférence, enfin il la donnait à vrai dire en 1954 dans le cadre de l'Université des Annales. Le thème était « Aspect du XXe siècle, l'âge du tourisme ». Léon-Paul Fargue nous peindra ensuite les 6 premiers arrondissements de Paris. C'est un enregistrement qui date de 1947, quelques semaines avant sa mort. Et toujours au menu de cette nuit spéciale tourisme à Paris sur France Culture, c'est à deux lieux de mémoire que nous nous intéresserons. Le Moulin Rouge, une émission de Jacques Feillet, diffusée pour la première fois sur France Culture en 1996. Et La Coupole, une émission de Thierry Aveline, diffusée elle en 1997. Entre-temps, nous aurons reçu Claude Mignot pour son livre savant sur les 100 façades remarquables de Paris, publié chez Paris Gramme. Alors là, les touristes lèveront le nez pour apprécier l'architecture des immeubles de Paris. Et puis nous recevrons aussi Philippe Mello à propos de deux albums publiés chez Omnibus, Les Montmartrois, l'album de famille, marchand de vin, restaurateur, cabaretier, artiste, petit commerçant et autres métiers de la butte, 1871-1940, et Les Gastronomes parisiens, restaurants et gargotes du Palais Royal, des Halles, des Grands Boulevards, des Champs-Élysées et du Quartier Latin. L'époque, là, observée, elle est plus proche de la vôtre, finalement, 1765-1914. Et puis nous aurons en bonus un épisode des Décraqués de Bertrand Jérôme qui s'intéressait au tourisme minimal. Alors là, avec toutes ces archives, tout ce programme d'archives, Sylvain Patieux, nous sommes vraiment au cœur de l'exposition dont vous êtes le commissaire. Oui, exactement, puisque le tourisme, on l'imagine souvent comme une réalité intemporelle. En fait, il a une histoire même qui est assez récente à l'échelle de celle de l'humanité. On peut dater précisément la naissance du tourisme et on peut voir avec Paris une capitale qui a été un creuset du tourisme urbain. Donc Paris a participé à l'invention du tourisme et Paris a également été modifié par les touristes et par le tourisme. C'est-à-dire, alors vous dites on peut dater, alors allez-y, donnez-nous la date, l'heure, oui. L'heure précise, on pourrait pas, quoique c'est d'origine anglaise, donc la précision a son importance, mais le tourisme en fait est né au XVIIIe siècle, principalement dans l'aristocratie anglaise. Il s'agissait au départ de faire ce qu'on appelait le grand tour. Alors, on utilisait un mot français parce qu'à l'époque, le snobisme consistait à utiliser des mots français. Pour les Anglais. Pour les Anglais, bien sûr. Et donc, le Grand Tour, c'était un voyage qui pouvait durer plusieurs mois ou plusieurs années pour des jeunes aristocrates et qui avait pour but de les faire voyager à travers l'Europe. Avec deux objectifs. Le premier, c'était de renouer avec les antiquités. Hein, c'était l'époque où on retrouvait la période antique et donc il fallait se colter avec cet héritage culturel. Donc, bien entendu, la destination principale, c'était Rome. Mais au passage, il fallait essayer de voir le monde, de passer dans différentes cours, de voir plusieurs mœurs dans plusieurs pays, plusieurs systèmes politiques. Et à ce titre-là, Paris était une des étapes importantes de ce grand tour des aristocrates. Mmh. Alors, au départ, c'était les Anglais, mais ça s'est répandu ensuite dans toute l'aristocratie. C'est-à-dire que les Allemands sont venus aussi, les Russes. Les Russes, les Français sont partis aussi. Et pour un noble provincial, par exemple, passer par Paris, c'était important. Donc il y a cette tradition du voyage. On voyage avec un précepteur, on apprend des choses. Mais la particularité de Paris, très vite, elle est de deux ordres. Tout d'abord, Paris, c'est une ville où on se distrait, une ville où on s'amuse. Et notamment autour du Palais Royal se mettent en place toute une série de distractions, des spectacles, des restaurants, des endroits où on joue. Et puis également, il faut en parler aussi, de la prostitution. Donc ça, c'est le premier aspect. Paris a vraiment cette réputation de ville où on s'amuse, de ville où on se distrait, avec à la fois des spectacles légitimes, hein, l'opéra, le théâtre, mais aussi des spectacles un peu plus canailles, ou en tout cas des amusements un peu plus canailles. Et puis l'autre aspect de Paris important, c'est l'aspect intellectuel. Bien sûr, il y a des curiosités, il y a des musées, il y a la Sorbonne à Paris, il y a des bibliothèques et des églises. Mais c'est aussi un endroit où on discute, c'est un endroit où se répandent les idées des Lumières, les avec salons. Les clubs, voilà, les salons, les sociétés. Et donc, au XVIIIe siècle, on vient aussi à Paris pour rencontrer des gens qui savent, pour rencontrer des savants, pour rencontrer les ancêtres des intellectuels de l'époque. Mais ça a l'air beaucoup plus facile finalement qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ces gens sont abordables. Oui, bien sûr. Alors par exemple, si on lit le journal de Jacques-Louis Ménétra, qui est un compagnon vitrier du XVIIIe siècle, qui est un sans-culotte pendant la Révolution française, il a une cinquantaine d'années au moment de la Révolution française. Alors, bien sûr, lui, c'est pas un touriste, hein, c'est un Parisien, mais il rencontre, par exemple, Jean-Jacques Rousseau. Et il se balade avec Jean-Jacques Rousseau. Donc, il va herboriser, peut-être. Comment ? Il va peut-être herboriser. Peut-être, oui. En tout cas, il discute, je sais pas s'il discute de vitres et de papier peint, mais il discute sans doute en partie de la religion, puisque Ménétra est quelqu'un de très anticlérical. Et il est très fier de dire qu'il a rencontré Rousseau en robe de chambre. Alors, Bon baiser de Paris, c'est donc le titre de cette exposition, sous-titre 300 ans de tourisme dans la capitale. Vous l'avez dit, évidemment, Bon baiser de Paris, ça fait penser à une carte postale. C'est la phrase la plus employée, peut-être, la plus simple, la plus banale. Peut-être que quand on, à une époque, les gens ne savaient pas écrire beaucoup. Enfin, voilà. Et finalement, c'était même pré-imprimé. Parfois, il y a des cartes postales où on évite aux touristes d'avoir même à écrire cette formule. Bon baiser de Paris, ça suffit. Mais ça classe aussi, quand même, sociologiquement, les touristes. Parce que est-ce que l'aristocratie anglaise va envoyer une carte postale à Londres ou ailleurs en disant bon baiser de Paris ou... Alors, non, bien sûr, hein, ils envoient de véritables récits de voyage. Ils ont la plume alerte. Mais c'est vrai que vous pointez là quelque chose de très intéressant, hein, Philippe Garbi. C'est que le tourisme, au départ, c'est une activité d'élite. Donc ça naît dans l'aristocratie, mais le véritable développement du tourisme, c'est le 19e siècle. C'est la révolution industrielle qui donne les conditions pour que le tourisme se développe, avec notamment la révolution des transports. On peut venir à Paris en train, on peut venir à Paris avec des routes qui sont beaucoup mieux entretenues. Et au 19e siècle, ceux qui voyagent, ça reste des élites. Ce ne sont plus les élites aristocratiques, ce sont des élites plutôt bourgeoises, hein, des classes moyennes, mais en tout cas, c'est encore des élites qui voyagent. Et ces élites, on les voit par exemple dans la célèbre pièce de La Biche, hein, le voyage de Monsieur Perruchon, où on voit au début un ancien carrossier devenu un bourgeois, tout fier de partir en voyage avec le train d'aller à la gare. Oui, mais lui, il quitte Paris. Alors lui, il quitte Paris, bien sûr. On n'est pas tellement dans votre exposition, là. Enfin, c'est un Parisien qui va aller voir... On y est parce qu'il faut imaginer les mêmes bourgeois de province qui viennent à Paris, qui montent à la capitale, comme on dit. Moi, je suis provincial d'origine, donc je dis toujours je monte à Paris. Et c'est vrai que ce tourisme d'élite, ce tourisme aristocratique, quand on regarde les photos, par exemple, de l'époque, on voit des gens qui posent en costume avec leurs bagages, qui sont fiers de poser devant l'appareil, on le voit dans l'exposition. Mais c'est même reconstitué d'ailleurs. C'est reconstitué en studio. Il y a vraiment un aspect solo. On n'est pas dans la vraie gare de Lyon. On est en studio. On reconstitue un tout petit morceau de la gare de Lyon avec. Alors il y a un contrôleur ou un comédien qui joue le contrôleur, une famille qui joue la famille ou qui réellement la vraie famille qui veut se faire photographier. C'est un marqueur social. On a fait le voyage. Exactement. Il y a vraiment un aspect solennel. À partir du moment où on accède au tourisme, on accède à une forme de distinction. Et le véritable développement du tourisme populaire, c'est le XXe siècle, et même plutôt la deuxième moitié du XXe siècle. Avec à la fois toutes les législations sur les congés payés, hein, en Europe, aux États-Unis, en URSS aussi à l'époque, mais surtout avec la prospérité économique de l'Europe occidentale et des États-Unis, qui permet vraiment à des touristes populaires, à des jeunes notamment, de venir voyager et de venir notamment à Paris. Alors l'exposition, quand on arrive donc rue Malher dans le 4e arrondissement, on prend son billet et puis à un mètre de la personne qui vend les billets, il y a un petit écran de télévision qui passe un court extrait de film. La caissière doit entendre mille fois dans la journée cet extrait, je la plains un petit peu. Enfin l'extrait est amusant mais au bout de mille fois ça doit être épuisant. Ça s'appelle Love in Afternoon, Ariane, c'est un film de Billy Wilder. C'est vous qui avez choisi tous ces extraits de films, les affiches, enfin voilà, puisque vous êtes commissaire d'exposition. Alors, vous êtes... je suis commissaire d'exposition, mais une exposition, c'est une œuvre collective. Donc, il y a tout le comité d'histoire de la ville de Paris qui a contribué. Il y a des gens qui sont très habiles pour chercher des images, chercher des affiches, chercher des idées de films. Donc, c'est vraiment le fruit d'un brainstorming collectif. Et puis, c'est aussi une exposition, c'est aussi toutes les personnes qui travaillent à la galerie de des bibliothèques et qui font visiter l'exposition. Et alors, Billy Wilder, bien sûr, c'est un clin d'œil au comité romantique, hein. Ariane, Audrey Hepburn, bon, on n'a pas pu résister, mais l'idée qui est derrière ce petit extrait... On la voit pas dans l'extrait. On la voit pas, non, mais on voit beaucoup de gens qui s'embrassent, oui, oui. Donc le côté romantique est là, et c'est vrai que cette idée d'un Paris romantique, d'un Paris éternel, on voit par exemple dans l'exposition, à un moment, une photo d'un photographe qui s'appelle Sylvain Charcaoui, où on voit un jeune couple qui se prend en photo, en selfie, avec une perche à selfie devant l'Arc de Triomphe, devant les Champs-Élysées. Donc cette idée-là, elle persiste, hein, cette idée du Paris romantique, du Paris de l'amour. Et pourtant, ce que l'exposition montre bien, c'est que même si l'amour peut-être est éternel, le tourisme, lui, ne l'est pas. Il est daté, il a connu des évolutions, il a connu une histoire. Et c'est ça qu'on essaye de montrer. Alors 300 ans, donc vous faites commencer alors à quel siècle On fait commencer à l'époque moderne, au XVIIIe siècle. Il y a tout un préambule hein, qui nous fait rentrer dans cette époque moderne, dans ce moment où le quartier du Palais-Royal est central. Et un moment aussi où se mêlent, dans ceux qu'on pourrait considérer comme des pré-touristes, se mêlent à la fois les lettrés de l'Europe entière, les jeunes aristocrates, et aussi des gens des milieux populaires qui viennent à Paris pour travailler de façon saisonnière. Et à l'époque, on peut se mêler dans les mêmes garnis, dans les mêmes hôtels. Il n'y a pas une stricte séparation sociale comme il peut y avoir aujourd'hui. Et on se retrouve aussi dans les lieux de plaisir, comme le Palais-Royal. Mais les maisons, les immeubles, c'était ça aussi. C'est-à-dire qu'il y avait pas les étages très hauts étaient occupés par des gens qui n'avaient pas de moyens. Et c'était plus mélangé, quoi, sociologiquement. Ça, donc c'était pareil pour les touristes. Exactement. Alors, parce qu'on sait, évidemment, les touristes, il faut les loger. Ils n'ont pas tous une famille. Toutes les familles parisiennes n'accueillent pas le cousin de province. Donc il y a les hôtels. C'est là aussi où ça déclenche des constructions. Enfin voilà. À moins qu'il y ait un autre principe d'accueil, il y a quoi? C'est des auberges? Alors il y a plusieurs principes d'accueil. Alors ce qui est intéressant, c'est que, en fait, la question du tourisme, elle est d'abord prise à bras le corps par les entrepreneurs privés. Les pouvoirs publics mettent du temps à se saisir de cette question-là. Et ce sont les premiers à construire des hôtels, construire notamment des palaces hein, dès le 19e siècle. Et ces entrepreneurs privés, ils mettent en place aussi tout un réseau de boutiques, une série d'éléments liés à l'accueil des touristes. Les pouvoirs publics commencent vraiment à s'y intéresser à partir des années 20 et surtout à partir des années 1950. Et bon... N'allez pas trop vite là, Sylvain Patieu. Nous sommes au 18e siècle. Donc ils arrivent, où logent-ils ces touristes quand ils arrivent... français d'ailleurs des régions ou étrangers. Quand ils arrivent au XVIIIe siècle, ils logent beaucoup dans le centre de Paris. Et ils logent alors soit dans des garnis, donc les garnis c'est des sortes de meublés, souvent bon marché, ou bien certains d'entre eux logent dans des hôtels. Mais on est encore très loin des normes hôtelières qu'il peut y avoir aujourd'hui. Au XIXe siècle apparaît l'hôtel tel qu'on le considère désormais, avec un certain nombre de normes, et l'apparition aussi d'associations comme le Touring Club de France qui essayent de définir des normes hôtelières. C'est-à-dire, ils disent, voilà ce à quoi doit ressembler un hôtel, et ce à quoi doit ressembler l'accueil d'un touriste. Ils essayent donc de mettre en place, par exemple, des commodités avec des salles de bain, au moins une salle de bain par étage, et puis, bien entendu, les palaces essayent d'offrir à leurs clients des activités de luxe, alors des piscines et autres services qui sont, pour l'époque, assez exceptionnels. Le XXe siècle est le siècle où le tourisme doit s'adapter à la massification du tourisme. Et à ce moment-là, on commence à se poser la question non pas seulement des palaces, mais également de l'accueil pour le plus grand nombre. Et là, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, puisque, par exemple, dans les années 1950 et 1960, Paris manque cruellement d'hôtels bon marché. Il y a des hôtels de luxe, mais il n'y a pas beaucoup d'hôtels bon marché. Et donc, dans ces années-là, se mettent en place des campings. Et puis, les pouvoirs publics et la Chambre de commerce et d'industrie pensent également, éventuellement, à loger les touristes chez l'habitant. Donc, à l'époque, Airbnb n'existe pas, mais... Non, mais c'est ce qu'on entend dans la tribune de Paris qui suivra notre entretien, Sylvain Patieu. On dit aux gens, on est en 47, donc accueillez des touristes chez vous, ils apprendront ce qu'est la vraie vie parisienne, et voilà. Vous avez dit, c'est le tour, le grand tour, et puis après, il y a la tour Eiffel. Donc ça, à la fin du 19e siècle, on vient de toute la France, de toute l'Europe, du monde entier, pour voir la tour Eiffel. Finalement, il suffit d'un signal urbain... pour que on venait à Paris avant la Tour Eiffel, mais enfin, là, on y vient et on sait qu'on est à Paris et on sait qu'on se fait photographier devant ou lointainement avec en fond la Tour Eiffel et ça suffit. On vient pour dire qu'on est venu. Oui, d'ailleurs, Roland Barthes parle de la Tour Eiffel en 1965. Il évoque la Tour Eiffel comme un objet qui est à la fois un objet de spectacle et un objet d'où on regarde. Et c'est vrai qu'il y a les deux aspects, puisque quand on est en haut de la Tour Eiffel, on voit toute la ville. Et en fait, cette Tour Eiffel, elle est liée à des événements très particuliers au XIXe siècle, que sont les expositions universelles. C'est-à-dire que le premier moyen pour faire venir assez massivement des touristes à Paris, ça a été d'organiser des événements. Et les premiers événements vraiment internationaux qui ont été mis en place, ça a été ces expositions universelles. Il y en a eu 5 au XIXe siècle. C'est une époque où on conçoit l'exposition universelle comme un moyen de mettre en valeur son pays. Et c'est principalement les nations impériales, c'est-à-dire les nations qui ont des colonies, les nations qui ont fait leur révolution industrielle, qui essaient de se faire valoir à travers ces expositions universelles. Alors bien entendu, la plus célèbre, c'est sans doute celle de 1889, puisque c'est celle qui voit la construction de la Tour Eiffel. Beaucoup d'auditeurs le savent sans doute, mais cette Tour Eiffel, elle est pensée au départ comme éphémère. Beaucoup la trouvent affreuse d'ailleurs. Et peu à peu, elle va devenir le symbole de Paris. Mais ce qui est intéressant avec cet aspect des expositions universelles, c'est qu'on commence à venir à Paris aussi pour des événements ponctuels. Les premiers tour opérateurs organisent des venues à Paris à l'occasion de ces expositions universelles. On peut penser à Cook, par exemple. Cook... qui est un pasteur et qui avait imaginé d'organiser des voyages pour lutter contre l'alcoolisme. Et peu à peu, il s'est rendu compte que c'était rentable. Donc il a expliqué, c'est la philanthropie plus 10%. Et donc Cook, un des premiers voyages qu'il organise hors de Grande-Bretagne, c'est pour les expositions universelles à Paris. Et à ce moment-là, on voit dans l'exposition, il y a des reproductions de billets qui d'entrée pour la journée, pour la semaine, pour enfin tout est vraiment cette pensée, c'est vraiment une économie qui s'est mise en marche très vite quoi. On a compris de toute façon que le touriste, eh bien, il était accueilli, enfin il n'est pas toujours très très bien accueilli d'ailleurs dans certains endroits, mais en tout cas on devrait l'accueillir vraiment bien parce qu'il vient avec des devises, pour parler trivialement. Oui, alors ça, cette idée du touriste qui vient avec des devises, ça c'est pas nouveau, hein. Dès la fin du XVIIIe siècle, il y a un auteur... On voit ça dans les opérettes aussi. Voilà, oui, il y a un auteur qui parle de Paris, qui dit guinguette de l'Europe et vache allée de la France, donc avec l'idée que les touristes vont venir se faire vider les poches à Paris. On retrouve des guides très tôt qui sont c'est formidable ça. En plusieurs langues. Hein. 300, vous dites qu'il y a 300 édités de guides de 1600 à 1830. 30. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi, le guide Johann, on connaît? Alors, voilà, il y a le guide Conti, il y a aussi pour les Allemands, il y a le célèbre guide Bedebeck, qui était un des plus connus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu vraiment, dès le départ, ce côté international du tourisme. Et en même temps. En trois, quatre langues. En plusieurs langues, oui. Ouais. Et en même temps, les guides, ils fixent aussi des normes. Ils disent ce qu'il faut voir, ils proposent des itinéraires. Et très souvent, ce qu'ils donnent à voir, ce sont les lieux du pouvoir et les lieux également de la religion, par exemple. Mais les lieux de pouvoir sont particulièrement prisés par les guides. On trouve également pour les expositions universelles des affiches. Alors, il y a une affiche italienne, par exemple, qui est dans l'exposition, où on rassure les touristes italiens, on leur dit « ne vous inquiétez pas ». Tout est prévu, les repas, les déplacements, et vous pourrez même manger des pâtes. Il y a pas de souci. Enfin, des macaronis. Question de macaronis. Donc là, il s'agit d'encadrer le touriste, de le prendre par la main, mais en même temps, lui garantir des normes, l'étrangeté et la familiarité, voilà, quand même. À la fois l'étrangeté et la familiarité. Mmh. Et alors, c'est très étrange quand même pour les Parisiens de la fin du 19e siècle de voir arriver ces touristes, parce que. Alors que la France est une nation coloniale, alors que la France est une nation qui voit l'exotisme en Afrique ou en Asie, eh bien là, avec les touristes, les Parisiens se retrouvent exotisés, en quelque sorte. Alors c'est un néologisme, excusez-moi pour le néologisme, mais ils se retrouvent sous le regard des autres. Et il y a pas mal de caricatures hein, qui jouent sur cet étonnement de se retrouver sous le regard de l'autre, sous le regard de l'étranger, et de devenir la créature exotique de l'autre. On peut aussi on peut être étranger et mal comprendre ce que l'on voit. Par exemple, on voit des dessins où des touristes anglais qui s'étonnent parce qu'ils sont dans ce qui sera le futur boulevard, la future avenue de l'Opéra, et qui disent, le guide ne nous a pas dit qu'il y avait eu un tremblement de terre. À Paris. Parce qu'évidemment, on est pendant les travaux d'Haussmann et tout Paris est éventré, et ça doit être très étrange pour des touristes. Oui, et puis à partir du moment où le touriste devient une figure habituelle, eh bien là, on se moque du touriste, on le caricature, on s'en moque, mais souvent, à travers le touriste, on se moque aussi de la société française. Par exemple, il y a de nombreuses caricatures qui soulignent la différence de revenus entre les touristes, notamment américains, et les Français. Et là, il s'agit de dénoncer la politique monétaire de la France ou la politique du gouvernement. Et ça peut déboucher quand même sur une véritable xénophobie. On trouve dans les années 20, par exemple, en 1926, des sortes d'émeutes anti-touristes. Et qui se passe où alors? Enfin, vraiment, alors, les gens arrivent à plusieurs dizaines et... Voilà, qui se passe à Montmartre, où il y a des foules qui s'en prennent au quart de touristes américains, qui leur envoient des cailloux et des huées. Alors bien sûr, ça reste rare, mais tout ça est lié au contexte économique de l'époque, avec la dette interalliée hein, qui pèse sur la France, et puis la monnaie française qui est tellement dévaluée que certains touristes américains collent des billets sur leur valise. Donc on a essayé tout au long de l'exposition hein, de faire des focus sur des aspects comme ça qui sont un peu plus méconnus. Et parce que bon, la Tour Eiffel, par exemple, on en parle, mais beaucoup de gens connaissent. Oui. En revanche, ce genre d'épisodes, c'est des épisodes qui sont méconnus, mais qui témoignent en fait de la profondeur sociale en fait du tourisme. Hein, le tourisme, il est ancré dans une société, il est ancré dans une économie, et c'est pas simplement une activité futile ou superflue, c'est vraiment quelque chose qui est lié au contexte politique et social de l'époque. Vous parliez, Sylvain Patu, à l'instant, de billets collés sur des valises. Moi, ce qui m'a étonné dans l'exposition, et puis donc dans on peut poursuivre le plaisir qu'on a à voir l'exposition par la lecture de Bon Baiser de Paris, c'est-à-dire l'album, comment on appelle ça, un album? Le livre. Je vois qu'il y a une photo d'un vendeur d'étiquettes de grands hôtels. Oui. C'est-à-dire si on trouve dans sa famille, dans des greniers, des vieilles malles avec 50 étiquettes d'hôtels, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut pas dire que nos ancêtres, nos aïeux sont allés dans cet hôtel. Simplement, ils ont pu acheter, comme ça, un vendeur à la sauvette, des étiquettes. Et C'est possible, ou alors peut-être qu'ils y sont vraiment allés. Hein. Oui, parce qu'on achetait aussi des étiquettes pour marquer ses bagages dans les hôtels. Mais ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est nous, on a voulu aussi insister dans l'exposition sur les petites mains du tourisme, sur ancrer ça dans le quotidien en fait, ce tourisme. Vous savez ce que disait le grand historien Marc Bloch, il disait que l'historien est comme l'ogre de la légende, là où est la chair fraîche, là est son gibier. là où est la vie en fait, là est son gibier. Et le tourisme, c'est pas un phénomène économique qui a marqué la grande histoire. On n'a pas fait des guerres à cause du tourisme, on n'a pas changé des gouvernements à cause du tourisme. En revanche, il s'inscrit dans la petite histoire des individus, de façon très très intriquée. Et quand on s'intéresse à la vie des gens, à la vie de ceux qui ont vécu par le passé, le tourisme, c'est le sel de la vie. Ça fait partie du sel de la vie. C'est ce dont on se souvient. C'est les bons moments. C'est les voilà. Et donc on a voulu insister là-dessus et mettre en avant à la fois les touristes eux-mêmes et les activités auxquelles ils pouvaient se livrer. Puis également montrer qu'il y a toute une économie du tourisme et que cette économie du tourisme, elle repose sur des métiers. Des métiers, donc là on a cité le marchand d'étiquettes d'hôtel, c'est peut-être un des plus étonnants, mais il y a toutes sortes de métiers qui dépendent du tourisme. Soit directement, qui sont créés par le tourisme, hein, ceux qui travaillent dans les hôtels par exemple, soit indirectement. Un guichetier de métro, ou même un agent de police, un chauffeur de taxi, un ouvrier qui entretient la tour Eiffel, sont un serveur de café, sont pas des gens dont le métier est directement lié au tourisme, directement lié à l'invention du tourisme. Mais leur quotidien est modifié par le nombre de touristes qu'il y a à Paris. Donc on a voulu aussi insister là-dessus et montrer les contradictions, les tensions qu'il pouvait y avoir. Cette histoire du tourisme, c'est pas une histoire idyllique. Il y a des conflits dans le tourisme. Il y a des conflits parce qu'il y a des choix politiques. Quand on choisit de consacrer un immeuble au tourisme, eh bien, on le consacre à une tâche particulière et pas à des logements sociaux, par exemple. Bon, là, on parle de préoccupations qui sont celles de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais même sans parler de ça, il y a aussi des tensions sociales dans le tourisme. Il y a, par exemple, la grève des garçons de café en 1907, durant laquelle les garçons de café se battent pour avoir le droit à une journée de repos hebdomadaire, donc ça c'est sérieux, mais ils réclament aussi le droit au port de la moustache, qui à l'époque est un signe de virilité, et donc le fait qu'on les empêche de porter leur moustache est vu comme une atteinte intolérable à leur droit de salarié et à leur droit de l'homme, presque, je dirais. Et quand on voit des touristes où que l'on se trouve, si on n'est pas dans sa propre ville, on voit des touristes. Si on est ailleurs, on est un touriste, de toute manière. Donc on se projette aussi, par chance, ou par goût, ou par hasard, on peut toujours être un jour le touriste de quelque part, quoi. Donc c'est un rôle que chacun peut tenir. Il y a quelque chose qui m'a étonné aussi dans l'exposition Bon Baiser de Paris. Enfin, c'est la rivalité assez ancienne entre Londres et Paris, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est en 2016, c'est la même chose. Enfin voilà, Londres, il y a autant de touristes par an à Londres qu'à Paris. Chacune des villes se revendique comme étant la ville la plus touristique au monde en accueil de personnes. Mais c'est ancien. C'est ancien, et puis c'est lié bien entendu au statut des deux villes qui sont capitales des deux principaux empires, hein, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et donc la rivalité touristique, elle reflète les rivalités politiques et économiques. Bon, aujourd'hui, c'est moins le cas, bien sûr. Il y a moins de rivalités politiques et économiques entre la France et la Grande-Bretagne. Mais il reste cette rivalité entre Londres et Paris. Il y a eu quelques querelles de chiffres. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Paris, en fait, notamment à partir de l'après-deuxième guerre mondiale, quand il y a une véritable mondialisation du tourisme, quand il y a une véritable massification, Paris se retrouve en concurrence avec d'autres grandes métropoles. Et à partir de ce moment-là, eh bien, cette place acquise, ce primat de Paris sur les autres capitales n'est plus un fait acquis et devient quelque chose qu'il faut défendre, qu'il faut promouvoir. On trouve dans l'exposition des affiches, par exemple, des années 1950 et 60, qui montrent la volonté par le commissariat au tourisme de promouvoir l'image de Paris. Oui, il y a le commissariat général au tourisme, la chambre de commerce de Paris, le comité du tourisme de Paris, le comité de coordination des fêtes de Paris, le syndicat d'initiative de Paris. Ça fait beaucoup de monde. Ces entités existent encore sans doute pour que le touriste vienne. Les touristes, on ne sait pas. Beaucoup de strates se superposent parce qu'il y a des héritages anciens, il y a l'héritage un peu mondain et aristocratique du comité des fêtes, il y a l'influence des milieux économiques toujours présente dans le tourisme avec la chambre de commerce et d'industrie, et puis bien entendu il y a les pouvoirs publics, nationaux et municipaux avec le commissariat au tourisme et puis avec la réorganisation de l'office du tourisme dans les années 1950. Mais ce dont on se rend compte par exemple à partir des années 1960, c'est de la forte dimension du tourisme d'affaires. Alors, ça peut paraître bizarre, hein, parce que peut-être que quand on est en voyage d'affaires, on ne se sent pas touriste. Mais il n'empêche que... Il faut bien aller au Moulin Rouge, dont on parlera tout à l'heure, ou à la voilà. Coupole. Ça peut faire partie des à côté du voyage d'affaires. Mais est considéré comme touriste toute personne qui passe une nuit hors de son domicile. Donc, on est touriste quand on est en cure thermale, on est touriste quand on est, en voyage d'affaires, en déplacement professionnel. Vous souvenez-vous, Sylvain Patieu, de votre première visite à Paris? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas originaire de Paris. Vous montiez à Paris, vous disiez toujours « je monte à Paris ». Je montais à Paris, oui. Il y a un petit accent du sud, peut-être. Voilà, je montais d'Aix-en-Provence, je montais souvent en voiture avec mes parents. Souvent à la période de Noël pour aller voir mes grands-parents qui habitent à Ville-d'Avray. Et puis, on retrouvait ma tante, on retrouvait mon grand-père et ma grand-mère. Et c'est vrai que je me rappelle de quelques souvenirs émerveillés de promenades en voiture dans Paris by Night, de la Tour Eiffel illuminée, également de la Géode. Alors, ça peut paraître étrange, mais peut-être mon souvenir touristique le plus fort de Paris, c'était la Géode, parce que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi d'avoir ce grand écran. Et puis ces images de l'espace ou ces images des animaux presque en 3D. Donc je me rappelle bien de tout ça. J'ai pas un souvenir précis, mais en tout cas je me rappelle de tout ça. Et puis pour mémoire, mon autre grand-mère qui était une grand-mère provençale pas du tout extravagante, très très discrète, elle avait deux rêves dans la vie. C'était d'apprendre l'italien et de se rendre à Paris pour aller voir les danseuses nues du Lido. C'est à elle que vous dédiez le livre, non? Oui, je lui dédie ce livre. La mémoire de ma grand-mère. Malheureusement. Qui voulait voir de Paris le Lido. Voilà, malheureusement, elle a jamais pu réaliser ce rêve, elle a jamais pu venir à Paris pour voir les danseuses nues du Lido. Mais il y a deux mouvements quand on est, quand on veut voir Paris, c'est-à-dire que c'est rêver à ce qu'on va y voir, parfois être déçu, et puis, raconter ensuite, quand on rentre chez soi, ce qu'on a vu. Oui. Et Paris, et puis évidemment tous les autres, les milliers de lieux dans le monde. Ça montre en tout cas la prégnance de l'imaginaire. Et c'est vrai que les voyages d'affaires, ça paraît moins glamour, mais il n'empêche que c'est une dimension importante et qui conduit dans les années 1970 à la construction du Palais des Congrès de la Porte Maillot. Et donc, le tourisme... À la place du Luna Park? Non, à la place du Luna Park, ouais. Oui. Comme si les activités de distraction avaient laissé la place aux activités d'affaires. Mais c'est trompeur, parce qu'en fait, on sait très bien que quelqu'un qui vient à Paris pour affaires, il va aussi dépenser son argent pour faire du shopping, pour pourquoi pas aller voir un spectacle au Lido ou au Moulin Rouge. Donc on a vraiment des activités qui s'entremêlent. Et Paris, c'est tout ça à la fois. Enfin, le tourisme à Paris, c'est tout ça à la fois. Je disais, le Luna Park, il y a d'autres lieux comme ça qui ont disparu. L'hippodrome, le vélodrome d'hiver, le palais des arts libéraux. C'était quoi le palais des arts libéraux? J'ai vu ça sur une affiche. Alors, bah, il y a toute une série de palais qui se créent parfois de manière assez éphémère à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, dans lesquels il y a pas mal d'activités. Alors, par exemple, les hippodromes, c'est une activité complètement oubliée aujourd'hui, mais c'était des véritables spectacles équestres où il y avait des courses, on pouvait voir Ben Hur, il y avait des reconstitutions historiques, Néron ou d'autres. Il y avait aussi des spectacles quasiment de cirque. Il y a aussi certains palais dans lesquels... on pouvait se livrer à des activités de patinage, donc patinage sur glace ou patinage à roulettes. Et en fait, c'était des lieux un peu interlopes dans lesquels on venait s'encanailler, on venait flirter avec des demi-mondaines. Et cette image-là d'un Paris un peu canaille, qu'on retrouve aussi avec ce qu'il y a autour de Montmartre, avec le Moulin Rouge et tout ça. On parlera plus tard avec Philippe Mello dans la nuit. C'est aussi une partie de Paris qui rentre bien dans cette image du Paris distraction. Mais c'est vrai que d'où l'intérêt de cette grand intérêt de cette exposition Bon Baiser de Paris, c'est parce qu'on on voit des affiches, on voit on entend des extraits de films, on lit la presse, et puis on est réellement sur 300 ans de tourisme dans la capitale. C'est-à-dire que il y a les archives de Radio France, de l'INA, comme ça, voilà, des émissions qui ont été diffusées depuis 50, 40, 30 ans, etc. Mais une exposition comme ça, on se dit, bah voilà, ma grand-mère, mon arrière-grand-père était là, est venu pour telle exposition, nous l'a raconté, ou elle a raconté à ses enfants, qui nous l'ont raconté. C'est toute une transmission, le voyage à Paris. C'est vrai, c'est devenu une tradition française en quelque sorte, avec à la fois les gens qui viennent pour affaires, les gens qui viennent pour le loisir, et puis aussi les gens qui viennent pour des raisons sportives, par exemple. Paris, avec l'organisation des Jeux Olympiques en 1924, est devenue... Ah oui, il y a une affiche comme ça. Oui, il y a une très belle affiche. Très mussolinienne. Enfin, c'est ça. Elle est assez étonnante. Alors, oui. Il y a l'historien Fabien Archambault qui en parle d'ailleurs dans le livre issu de l'exposition. C'est une image... presque choquante aujourd'hui, parce qu'on voit des jeunes hommes torse nu avec le bras tendu. Et bien entendu, c'est pas un salut fasciste, hein, c'est une référence à l'Antiquité. Mais enfin, on est en 24, donc. Voilà, ouais. C'est ça. On n'est pas encore à l'époque du nazisme triomphant. Mais cette image-là des Jeux Olympiques, elle est importante parce que Paris, à partir de ce moment-là, a été capable d'être une ville qui accueille des événements sportifs internationaux. À la fois nationaux et internationaux, puisque les Coupes de France se passent à Paris, l'arrivée du Tour de France se passe à Paris. Sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, on se souvient peut-être, certains d'entre vos auditeurs se souviennent peut-être, et c'est peut-être ça qui les empêche de dormir et qui leur fait écouter l'émission, du sprint entre Greg LeMond et Laurent Fignon en 1988, qui avait vu Greg LeMond l'emporter pour 8 petites secondes. Donc c'est vrai que beaucoup de Français se souviennent avec douleur de ce final-là. Bon, c'est rare que le Tour de France se joue sur les Champs-Élysées, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, au-delà de l'anecdote, ce qui compte, c'est que Paris est le point de départ ou le point d'arrivée de nombreuses compétitions sportives. J'ai pas pu résister. Venant de la région de Marseille, à mettre une image, par exemple, de la Coupe de France 1938, qui a été remportée par Marseille contre Metz à Paris, au Parc des Princes. Et les provinciaux qui montent à Paris pour soutenir leur équipe, que ce soit au football, que ce soit au rugby, ou les supporters étrangers qui viennent aussi à Paris soutenir leur équipe, c'est devenu un classique des événements sportifs en France. Alors le touriste, les touristes aujourd'hui, ils veulent être surpris, mais ils peuvent pas l'être complètement, évidemment, parce que quand on arrive aujourd'hui, à une époque, en 1919, il fallait 70 minutes de vol pour atterrir au Bourget. Je pense qu'on partait quel était l'aéroport à côté de Londres à ce moment-là. Bon, aujourd'hui, en 2h20, on est dans le centre de Paris, et puis tout le monde connaît Paris, enfin tous les immeubles, toutes les façades. On en parlera cette fois avec Claude Mignot plus tard. Qu'est-ce qui peut surprendre un touriste aujourd'hui? Alors, ce qui peut surprendre les touristes aujourd'hui, c'est un certain nombre de nouvelles pratiques qui sont pour le moment encore minoritaires, mais qui sont quand même intéressantes à étudier, notamment pour les sociologues du tourisme. Les cadenas d'amour, c'est ça, vous allez dire ? Les cadenas d'amour, là, on passe plutôt du côté des inconvénients. C'est vrai que ça a été un problème pour les pouvoirs publics de gérer ces cadenas d'amour qui envahissaient les balustrades des ponts. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, hein, de représenter l'amour par un cadenas, mais surtout, c'était un vrai problème parce que ça pesait sur les balustrades et ils ont dû mettre des plaques en plexiglas. Mais ça s'est déplacé vers l'est, vers Notre-Dame, derrière Notre-Dame. Oui, voilà. Oui, maintenant, c'est dans nos quartiers. Enfin, moi, j'habite dans l'est parisien, dans le nord-est parisien, et c'est dans nos quartiers qu'on trouve ces cadenas un peu étranges. Mais là, quand je parlais de niche ou de nouvelles pratiques, je pensais plutôt, par exemple, à la pratique des greeters. Donc, les greeters, c'est encore très limité, mais donc, greeter, en anglais, c'est celui qui accueille. Et ce sont des habitants qui décident de faire visiter leur quartier de façon bénévole à des touristes, à des groupes de touristes ou à des touristes. Donc là, on voit qu'il y a la volonté d'un tourisme un peu alternatif, un peu différent. Après, il y a toutes sortes de manières de découvrir Paris. Il y a la manière traditionnelle, mais il y a des manières un peu plus originales. Par exemple, on parle dans l'exposition des Black Paris Tours, qui sont organisés pour les touristes noirs américains. Et donc ces touristes noirs américains se rendent par exemple sur la place Joséphine Baker, où ils vont voir la statue d'Alexandre Dumas qui leur semble un élément intéressant. Ils peuvent aller à Château Rouge ou à Château d'Eau. Et puis voir le Rosa Park aussi. Celle qui a laissé. Au départ de toutes les luttes des années 60. Celle qui avait refusé de laisser sa place dans un bus. Donc, un arrêt du tramway. Et on voit là le lien fort qu'il peut y avoir entre les Noirs américains et Paris. puisque Paris est longtemps apparu comme l'archétype d'une société sans racisme, d'une société idéale dans laquelle les relations entre les Noirs et les Blancs seraient harmonieuses. Alors, ça paraît étrange, parce qu'à la même époque, c'est la France qui colonise et qui n'hésite pas à distinguer très fortement les sujets de ses, des citoyens. Mais pour les Noirs américains, notamment ceux qui, dans l'entre-deux-guerres, découvrent la capitale, Paris est un endroit dans lequel, par exemple, une artiste comme Joséphine Baker peut faire carrière, alors qu'elle n'aurait pas pu le faire à cause de la ségrégation raciale. Et donc, c'est cet héritage que viennent chercher les touristes noirs américains, et aussi l'image d'un Paris qui, aujourd'hui, n'est plus la capitale antiraciste qu'ils avaient voulu voir au moment de la ségrégation raciale, mais qui, en revanche, est toujours un creuset des cultures noires du monde entier, des Caraïbes ou d'Afrique. Bien, mais il y a tellement de choses à voir dans cette exposition « Bon baiser de Paris, 300 ans de tourisme dans la capitale », Sylvain Patieux, vous qui êtes le commissaire de cette exposition, qu'il faut vraiment engager les Parisiens, les touristes de toutes sortes à venir la voir. C'est rue Malher dans le 4e arrondissement. Cette nuit spéciale tourisme à Paris continue. Tribune de Paris, la France est-elle en mesure de recevoir ses amis étrangers? Le quart d'heure des grands reportages, la vie d'un grand hôtel par Clara Candiani. Un lieu de mémoire sur le Moulin Rouge. Et puis on aura rendez-vous avec Claude Mignot pour parler de Paris sans façade remarquable. Et puis tant d'autres émissions suivront au cours de cette nuit. Merci Sylvain Patieux. Merci Philippe Garbi.